Salut, c'est Projet Morse. Ce sera tout à fait comme Thank you.

which love by thy sweet looks hath slain. Thank you.

Thank you. Thank you.

Rappel vers la droite. Thank you. Thank you. surget creatura. Judicanti responsura. Liber scriptus proferitur. Un livre sera produit, in quo totum continetur, dans lequel est contenu tout omne mundus iducetur, tout ce qui permettra de juger le monde. Iudex ergo cum sedebit, donc, lorsque le juge siégera, quid quid la tête apparebit, tout ce qui est caché sera mis à jour. Nul nultum remanebit, rien ne restera qui ne soit pas vengé. Moi malheureux, que vais-je donc dire? Qui salvando salvas gratis, salva me fons pietatis, ricorda me Gesù che questa cosa vuoi, e me perdas in ace, quevas me sedici a tu, credemis C'était Projet Morse. Au revoir.